J'ai commencé tout en bas de l'échelle. La rue m'a laissé un tas de séquelles, donc je tire à balles réelles. J'suis comme Gustave Eiffel ou les reptiliens comme Angela Merkel. Le soleil me crame les ailes, j'continue même avec les cheveux poivre et sel. J'en ai dans la cervelle, pour rapper je n'utilise pas le bécherel. Je calcule pas ces brels, ils savent très bien comment le blaze s'épelle. L'empereur arrobage gmail, point comme je fais pas le ménage et la vaisselle. Le soir je débarque chez elle, pas de bouquet de fleurs mais j'ai ramené le gel. Non on ne porte pas plainte, si y'a un problème on sort le machin. La rue c'est hardcore, ça craint, c'est les animaux les plus forts de la jungle. Gros je suis hors d'atteinte, RDV à la gare Genève Cornavin. Je bois toutes sortes d'absinthe et je consomme de la drogue à jeun. Ils veulent voir mort le parrain, à mes pieds j'ai une paire de Jordan 5. Ces putes adorent le satin, mes coups de pied retournent les ciseaux comme papin. Elle joue encore la sainte, pourtant je connais bien son corps catin. Je lui perfore le vagin, je la fais jouir et je m'envole à Reims. J'ai sali sa robe à main, trop pris, c'est très tôt que je sors le matin. Adepte des sports marins, avant de la baiser je la torche à Reims. Il sent très fort le parfum de l'oseille, je suis poète comme Georges Brassens. L'empereur, le soldat, le prince a toujours besoin de réconfort câlin. Une tarte aux pommes tatin ne va pas suffire aussi l'ogre à faim. Faut au minimum la dinde, tu vois bien que dans les sons ça grince. Des fois je me force à peindre sur le fil du rasoir sur la corde à linge. Je dois faire des efforts, atteindre une baraque avec un énorme jardin. Avant que ne sonne la fin, sache bien que personne t'apportera le pain. Le diable me donne la main, il veut m'injecter du sérum vaccin. T'es qu'un sale gosse taquin et t'as encore le nez plein de morts gamin. Je vois tous ces boss radins, je les emmerde tous comme Gabin. Pas besoin de prof latin. Tu peux appeler tes renforts saltin. Pas besoin de prof latin. Tu peux appeler tes renforts saltin. Papa Jas se réveille avant l'aube. Pull up comme César en zéro. Rouge sur le shooting Zalando. On appelle ça le talent beau. Le dernier son qu'on a drop aux States, ils appellent ça un mass murder. La concu est écrasée aux States, ils appellent ça un smash burger. Nous nous régalons. MJ dans Space Jam, j'ai le bras mégalon. Enfin certifié, j'ai pris des galons. Veste à jument comme un étalon. C'est pour mes galons. Confortablement assis sur une chaise d'égathlon. Ouais ouais. Professeur Jean qui corrige ta copie. C'est pas bon ça. Dis donc, elle est jolie ta copine. Comment t'as fait avec ta tête de muche? On a du choco mais pas du chef de bruche. Ne fais pas de gestes brusques. Salope. Ok, vamos. J'ai déjà tout capté alors que je suis qu'à la page hein. T'as écouté trois albums et tu t'es pris pour Olivier Cash hein. Copilote et rouleur de canon pendant les trajets. Un kilo bloqué dans la trajet. J'sais plus que ça fait des trajets hein. Ton équipe c'est que des vagins. Poussière. Que l'état comme Eliem, Raider le genre de gamos que Eliem. J'dois reprendre leur intégrer comme un palestinien. À part mes chansons, j'apprécie rien. Dans tes sons, tu dégaines, avant moi tu bégayes. Pourtant dans mon dos, tu parlais si bien. Pourquoi tu fais parce qu'on t'a dit de faire. Être mignon sur le tapis rouge. Non, j'veux le million sur le tapis vert. Garde toutes les gouttes que mes habits versent. C'est mon anniversaire, mes amis et la famille fête. Tu me vois plus, allume-en un et j'me manifeste. Caballero. Pas besoin de prof latin. Tu peux appeler tes renforts saltin. Pas besoin de prof latin. Tu peux appeler tes renforts saltin.